Madame de Krudener. Comme biographie, ce simple pastel, dans lequel on s'est attaché à l'esprit et à la physionomie plus encore qu'au fait, laisse sans doute à désirer. Un de nos amis, M. Charles Hénard, à qui l'on doit déjà une vie du célèbre médecin Tissot, prépare depuis longtemps une biographie complète de Madame de Krudener. Renseignements intimes, lettres originales, rien ne lui aura manqué, surtout pour la portion religieuse. Nous hâtons de tous nos voeux cette publication, 1844. Depuis lors, la vie de Madame de Krudener par M. Hénard a paru, et nous a donné lieu d'écrire un article qui rectifie et corrige à plus d'un égard celui-ci. Voir Dernier portrait, ou tome 3, des portraits littéraires, édition de 1864. Nous y renvoyons, en laissant au premier portrait sa nuance. Dans les personnes contemporaines dont les productions nous ont amenés à étudier la physionomie et le caractère, nous aimons quelquefois à chercher quels traits des âges précédents dominent, et à quel moment social il serait naturel de les rapporter comme à leur vrai jour. Ce genre de supposition, en ne le forçant pas, a son avantage. C'est comme pour un tableau que l'on comprend mieux quand on s'en éloigne à différents points de vue, ou quand on le fait déplacer, monter, baisser peu à peu, jusqu'à ce qu'on ait atteint la vraie, la profonde perspective. Si nous avons trouvé, par exemple, que Madame de Souza était simplement du XVIIIe siècle qu'elle continuait dans le nôtre, il nous a semblé que, tout en représentant de près la Restauration dans sa meilleure nuance, Madame de Duras ne représentait pas moins, dans un lointain poétique, par sa vie, par ses pages élégantes, par ses sentiments passionnés suivis de retours chrétiens, et par sa mort, quelque chose des plus touchantes destinées du XVIIe siècle. Aujourd'hui, en abordant Madame de Krudener, sous son auréole mystique, dans la vague et blonde lumière d'où elle nous sourit, notre vue et notre conjecture se reportent d'abord bien au-delà de notre siècle et des deux précédents. Nous n'hésitons pas à la replacer plus haut. C'est comme une sainte du Moyen-Âge qui nous apparaît, une sainte du Nord, du XIIIe siècle, une sainte Élisabeth de Hongrie, ou encore quelques sœurs du grand maître des chevaliers porte-glaive, qui, du fond de sa Livonie, attirée sur le Rhin et longtemps mêlée aux délices des cours, ayant aimé et inspiré les illustres Minnesinger du temps, ayant fait elle-même quelques romans en vers comme un poète de la Wartburg, ou plutôt ayant voulu imiter notre Chrétien de Troyes ou quelque autre fameux trouvère en rime française, en cette langue la plus délitable d'alors, serait enfin revenue à Dieu, à la pénitence, aurait désavoué toutes les illusions et les flatteries qui l'entouraient, aurait prêché Thibaut, aurait consolé des calomnies et sanctifié Blanche, serait entrée dans un ordre qu'elle aurait subi, qu'elle aurait réformé, et, autre sainte Claire, à la suite d'un saint François d'Assise, aurait remué comme lui des foules et parlé dans le désert aux petits oiseaux. Voilà, en effet, Madame de Krudener, telle qu'elle aurait dû venir pour remplir toute sa destinée, pour ne pas être seulement un romancier charmant et bientôt une illuminée qui fit sourire, pour ne pas manquer, comme il lui est arrivé, cette seconde partie de son rôle et d'une vie qu'elle avait voulu rendre sans réserve à Dieu, à la charité, à l'œuvre de la Sainte Parole, au salut et au renouvellement du monde. Mais qu'y faire ? Elle était née au plein milieu du XVIIIe siècle. Les descendants de l'ordre teutonique étaient devenus luthériens. Luthérienne, donc, et puis femme d'ambassadeur, elle eut à essuyer d'abord toute cette vie de monde, de scepticisme et de plaisir. Et lorsqu'elle y échappa, lorsque la flamme des événements publics vint éprendre cette âme si fervente sous une enveloppe si frêle, et lui fit croire à l'heure de prédire, de frapper tour à tour et de consoler, il se trouve que bien peu l'entendirent. qu'elle fut comme la prophétesse stérile d'Ilion en cendre. Que ceux même que sa rapide éloquence de cœur avait un moment saisi, comme la poussière éparse que la nue électrique enlève, elles passées, retombèrent. Et qu'elles mêmes, sans ordre fixe, sans discipline, sans tradition, soulevées par le souffle ardent des catastrophes, et n'ayant entrevu que des lueurs, perdit aussitôt la trace de l'avenir, et mourut dans une Crimée, sans rien laisser, sans rien servir. Flocons de neige apportés et remportés par l'Aquilon, un simple éclair, et un cri de plus dans le vaste orage. La dernière limite où l'on conçoit Madame de Krüdener possible avec ses facultés complètes et toute la convenance de son développement, c'est la fin du XVIe ou le commencement du XVIIe siècle. Elle aurait pu alors, comme Sainte Thérèse, et un peu plus tard comme Madame de Chantal, trouver encore appui à l'une des colonnes subsistantes du grand édifice catholique ébranlé. Elle aurait rouvert une route monastique nouvelle dans la ligne encore indiquée des saintes carrières. Elle aurait eu, à ces moments de vertige et d'obscurcissement, ces savants et sûrs docteurs des âmes, un saint François de Borgia, un vénérable Pierre d'Alcantara, un saint François de Sales. Je ne lui aurais pas conseillé de venir plus tard, même au temps de l'adorable Fénelon, qui eut déjà un peu trop abondé en son sens et peut-être bercé sa chimère. Note. Il n'aurait pas fallu non plus que Madame de Krüdener, même en venant au XIIIe siècle, eût vécu trop avant dans ce siècle, et jusqu'au moment où des mystiques commencèrent de prêcher l'Évangile éternel. Son imagination, toujours périlleuse, aurait pu s'échapper de ce côté, si voisin de la pente de ses rêves. Reprise. Mais de nos jours, qu'est-ce ? Où furent ces guides ? Faible femme en ses plus beaux élans, vase débordé d'amour, où puisa-t-elle sa doctrine ? Roseau parlant, mais agité par tous les vents qui se combattent, à qui demandait-elle le souffle pur de la parole ? Je cherche et ne vois pas à ses côtés l'ombre même d'un Fénelon. Ce ne sont qu'apôtres à l'aventure. Qu'on la presse de questions, qu'on la pousse sur les moyens, sur le but, sur la tradition légitime et le symbole, la voilà qui s'arrête. Son abondance de cœur lui fait défaut, et elle se retourne, en l'interrogeant, vers Monsieur en pétasse. Pour nous, au reste, qui avons à l'envisager surtout comme auteur d'un délicieux ouvrage, elle est assez complète, et l'inachèvement même de sa destinée devient un tour romanesque de plus. Puisqu'elle n'a pas été une sainte, Valérie demeure son titre principal, celui autour duquel, bon gré, mal gré, se rattache sa vie. Sans plus donc chercher à la déplacer en idée et à la transporter par-delà les lointains de l'horizon, nous allons l'envisager et la suivre dans ce qui lui a été permis d'être au jour qu'elle a vécu. Née à Riga, au bord de la Baltique, vers l'année où Madame de Staël naissait en France, Madame Juliana de Krüdener, fille du baron de Wittenghoff, un des grands seigneurs du pays, et d'une famille qu'avait récemment encore illustré le maréchal de Munich, eut une première enfance telle qu'elle s'est plu à la peindre dans les souvenirs de sa Valérie. Elle fut élevée d'abord au sein d'une campagne pittoresque et sauvage. Ce charmant petit lac, où le vent jetait quelquefois les pommes de pin de la forêt, et où elle conduisait, en se jouant, une barque légère, ses sorbiers, amis des oiseaux, ses pyramides de sapins tout peuplées d'écureuils qui se miraient dans les ondes, ses plaintes des joncs, ses rayons de lune sur les bouleaux pâlissants. Tel fut le fond de tableau à jamais cher où se déclara son innocente et déjà passionnée rêverie. Les élégances du monde et de la société s'y joignirent bientôt. La haute noblesse du Nord était alors attirée par un attrait invincible vers Paris, vers cette Athènes des arts et des plaisirs. Les princes et les rois s'honoraient d'y venir passer quelques instants et d'y prendre, pour ainsi dire, leur grade de beaux esprits ou d'esprits forts. Leurs ambassadeurs étaient eux-mêmes un des ornements essentiels de la philosophie et de la conversation française. On se rappelle sur quel pied distingué y vivait le baron de Gleichen, ambassadeur de Danemark, et celui de Suède, le baron de Creutz. La jeune Livonienne, lorsqu'elle vint de bonne heure à Paris, y vit la continuation de ce monde. Mariée à 18 ans au baron de Krutener, son parent, qui, bien que jeune encore, avait un bon nombre d'années plus qu'elle, elle ne paraît jamais s'être plus occupée de lui que lorsqu'elle l'a peint, en l'idéalisant un peu, dans le personnage du comte, époux de Valérie. C'était l'habitude alors, dans ces mœurs de grande compagnie. Un mari vous donnait un nom définitif, une situation, une contenance convenable et commode. Il ne prétendait guère à rien de plus. Et de lui, passé ce point, dans la vie de la femme célèbre, il n'était jamais fait mention. On le découvrait tout au plus de profil, ou le dos tourné, dans le coin du prochain roman. M. de Krudener, ambassadeur pour la Russie en diverses cours de l'Europe, y introduisit successivement la personne qui nous occupe et qui partout ravissait, enchaînait les cœurs sur ses pas. Les particularités de sa première vie sont déjà bien loin. Elle avait atteint 20 ans avant que la Révolution française eût commencé. N'ayant encore aucune célébrité ni prétention littéraire, elle était simplement une femme à la mode. Tout ce que sa grâce, son esprit et son âme ne manquèrent pas d'alors d'inspirer ou de ressentir, n'a laissé que des traces légères comme elle. Il serait vain et fastidieux de les rechercher autre part que dans Valérie, qui en réunit, comme en un miroir, tous les rayons les plus purs. Il ne paraît pas que la Révolution française, en éclatant, ait dérangé la vie et la tournure encore toute mondaine de celle que plus tard les événements de la fin devaient tant exalter. Ses passions, ses tendresses et ses gaietés lui faisaient encore trop de bruit dans cet âge heureux pour qu'elle entendît autre chose. La partie profonde de son âme était, pour me servir d'une expression de Valérie, comme ses sources, dont le bruit se perd dans l'activité et dans les autres bruits du jour, et qui ne reprennent le dessus qu'aux approches du soir. Malgré 89, malgré 93, quand déjà des voix prophétiques et bibliques devenaient distinctes, quand Saint-Martin, moins inconnu qu'auparavant, écrivait son éclair, quand de Maistre lançait ses premières et hautes menaces, quand Madame de Staël arrivait, en parlant de sentiments, à de puissants éclats d'éloquence politique, Madame de Krutener ne paraît pas avoir cessé de voir dans Paris, dans ce qu'elle traitera finalement comme Ninive, une continuelle Athènes. Une lettre de février 93, écrite par elle de Leipzig à Bernardin de Saint-Pierre, œuvre complète, tome 12, édition de M. Aimé Martin, prouve seulement que de grandes douleurs personnelles, la mort d'un père, quelques secrets déchirements d'une autre nature peut-être, le climat aussi de Livonie, avaient, durant les 14 derniers mois, porté dans cette organisation nerveuse un ébranlement dont elle commençait enfin à revenir. Guillemets. La fièvre qui brûlait mon sang, dit-elle, a disparu. Mon cerveau n'est plus affecté comme il l'était autrefois, et l'espérance et la nature descendent de rechef sur mon âme soulevée par d'amers chagrins et de terribles orages. Oui, la nature m'offre encore ses douces et consolantes distractions. Elle n'est plus recouverte à mes yeux d'un voile funèbre. En reprenant mes facultés, en recouvrant mes souvenirs, à voler vers vous. Note. Dans l'expression de cette simple relation avec Bernardin de Saint-Pierre, on sent combien Madame de Krutener était exaltée. Avec un grand écrivain et poète qui s'y serait prêté, on croit deviner qu'elle se fût montrée, elle aussi, de cette race de femmes du Nord, Lily, la comtesse de Bernstorff, Bettine, ces enthousiastes et dévotes de Goethe. Reprise. Quelle est votre existence dans un moment de trouble si universel? Ce mot est le seul de la lettre qui fasse allusion à l'état des événements publics. M. de Krutener occupait alors, en Danemark, son poste d'ambassadeur. Quant à elle, d'accord avec lui, elle devait habiter Leipzig pour l'éducation de son fils. Mais son premier regard, aussitôt sa vie morale renaissante, se reportait vers l'auteur de Paul et Virginie, de Virginie qui sera un jour pour Valérie une sœur, et vers Paris. Elle y revint après plusieurs voyages à travers l'Europe en 1801, à ce moment de paix et de renaissance brillante de la société et des lettres. Elle était assez jeune et belle toujours, délicieuse de grâce. Petite, blanche, blonde, de ses cheveux d'un blond cendré qui ne sont qu'à Valérie, avec des yeux d'un bleu sombre. Une voix tendre, un parler plein de douceur et de chant, comme c'est le charme des femmes livoniennes. Une valse enivrante, une danse admirée. Ses toilettes n'allaient qu'à elle, son imagination les composait sans cesse, et il lui en est échappé quelques secrets. Qu'on se rappelle la danse du châle, et cette toilette de bal, dans laquelle on pose sur les cheveux blonds de Valérie une douce guirlande bleue de mauve. Telle que je me l'imagine toujours, entrant vivement en quelque soirée splendide, au milieu d'un champ de gara. Chacun se retourne au bruit aérien de ses pas. On crut voir la musique, elle-même. C'est à Paris, où venait de paraître René. C'est à Berlin, où elle retourna bientôt, et où elle recevait à chaque courrier des caisses de parures nouvelles. C'est là, et pendant que Madame de Staël, de son côté, publiait en France Delphine, que Madame de Krüttener, rassemblant des souvenirs déjà anciens, et peut-être aussi des pages écrites précédemment, se mit à composer Valérie. Valérie parut en l'an 12, 1804, sans nom d'auteur, à Paris. Note. On trouve dans le Mercure du 18 Frimaire en 12, 10 décembre 1803, un article sur Valérie par M. Michaud, qui avait alors la tête très montée pour Madame de Krüttener. Plus d'un an auparavant, le Mercure avait déjà publié d'elle des Pensées, 10 Vendémiaire en 11. Chateaubriand goûtait Valérie, qu'il appelait tantôt la sœur cadette de René, tantôt la fille naturelle de René et de Delphine. Reprise. Quand Madame de Staël, en pleine célébrité et hautement accueillie par l'école française du XVIIIe siècle, commençait à tourner à l'Allemagne, Madame de Krüttener, du sein de la patrie allemande, et malgré la littérature alors si glorieuse de ce pays, n'avait Dieu que vers le nôtre. Dans cette langue préférée, elle nous envoyait un petit chef-d'œuvre où les teintes du Nord venaient, sans confusion, enrichir, étendre le genre des Lafayette et des Sousa. Après Saint-Preux, après Werther, après René, elle sut être elle-même, à la fois de son pays et du nôtre, et introduire son mélancolique scandinave dans le vrai style de la France. Gustave, au plus fort de son délire amoureux, écrit sur son journal. J'ai avec moi quelques auteurs favoris. J'ai les odes de Klopstock, Gray, Racine. Je lis peu, mais ils me font rêver au-delà de la vie. Fin des guillemets. Remarquez Gray, et surtout Racine, après Klopstock. Cela se tempère. Dans Valérie, en effet, plus que chez Madame de Staël, l'inspiration germanique, si sentimentale qu'elle soit, se corrige en s'exprimant, et pour ainsi dire, se termine avec un certain goût, toujours, et par une certaine forme discrète et française. Ce qui, à l'origine, serait aisément devenu une ode de Klopstock, nous arrive dans quelques sons du langage de Bérénice. Delphine est certainement un livre plein de puissance, de passion, de détails éloquents, mais l'ensemble laisse beaucoup à désirer. Et, chemin faisant, l'impression du lecteur est souvent déconcertée et confuse. Les livres, au contraire, qui sont exécutés fidèlement selon leurs propres pensées et dont la lecture compose dans l'esprit comme un tableau continu qui s'achève jusqu'au dernier trait, sans que le crayon se brise ou que les couleurs se brouillent. Ces livres, quelle que soit leur dimension, ont une valeur d'art supérieure, car ils sont en eux-mêmes complets. Je lisais l'autre jour, dans un recueil inédit de pensées, « La faculté poétique n'est autre chose que le don, et l'art de produire chaque sentiment vrai en fleur, selon sa mesure, depuis le lys royal et le dahlia jusqu'à la pâquerette. Fin des guillemets. Ce qui est dit là de la poésie à proprement parler peut s'appliquer à toute œuvre créée et composée où l'idée du beau se réfléchit. Eugène de Rothelin est certes un tableau de moindre dimension et, si l'on veut, de moindre portée que Delphine, mais c'est un chef-d'œuvre en son genre et dans sa mesure. Une petite rivière brillante, aux ondes perlées, encaissée à merveille, et courant sur un lit de sable fin, sous une atmosphère transparente, à son prix, et comme beauté, à l'œil du peintre, elle est supérieure au fleuve plus large, mais inégal, brisé, et tout d'un coup, vaseux ou brumeux. Si nous nous reportons au maître, Jean-Jacques, voulant recommander, pour les finesses de cœur, la quatrième partie de sa nouvelle Héloïse, n'a pas dédaigné de la rapprocher de la princesse de Clèves. Confession, partie 2, livre 11. Et il paraît envisager celle-ci comme modèle. Il avait raison de le croire, et aujourd'hui même, comme charme, sinon comme puissance, plus peut-être que la nouvelle Héloïse, la princesse de Clèves demeure. C'est ainsi que Eugène de Rothelin, Valérie et Adolphe sont des pièces d'une qualité et d'un prix fort au-dessus de leur volume. Valérie, au reste, par l'ordre des pensées et des sentiments, n'est inférieure à aucun roman de plus grande composition. Mais surtout, elle a gardé, sans y songer, la proportion naturelle, l'unité véritable. Elle a, comme avait la personne de son auteur, le charme infini de l'ensemble. Valérie a des côtés durables en même temps que des endroits de mode et déjà passés. Il y a eu dans le roman des talents très remarquables, qui n'ont eu que des succès viagers, et dont les productions exaltées d'abord se sont évanouies à quelques années de là. Mademoiselle de Scudéry et Madame Cottin, malgré le grand esprit de l'une et le pathétique d'action de l'autre, sont tout à fait passées. Pas une œuvre d'elle qu'on puisse lire autrement que par curiosité, pour savoir les modes de la sensibilité de nos mères. Madame de Montaulieu est encore ainsi, Caroline de Lichfield, qui a tant charmé une première fois à 15 ans, ne peut se relire, pas plus que Claire d'Albe. Valérie, au contraire, a un coin durable et à jamais touchant. C'est une de ces lectures qu'on peut se donner jusqu'à 3 fois dans sa vie, aux différents âges. La situation de ce roman est simple, la même que dans Werther, un jeune homme qui devient amoureux de la femme de son ami. Mais on sent ici, à travers le déguisement et l'idéal, une réalité particulière qui donne au récit une vie non empruntée. Werther se tuerait quand même il n'aimerait pas Charlotte. Il se tuerait pour l'infini, pour l'absolu, pour la nature. Gustave ne meurt en effet que d'aimer Valérie. La naissance de cet amour, ses progrès, ce souffle de tous les sentiments purs qui y conspirent, remplissent à souhait toute la première moitié. Des scènes variées, des images gracieuses, expriment et figurent avec bonheur cette situation d'un amour orageux et dévorant, à côté d'une amitié innocente et qui ignore. Ainsi, quant à Venise, au bal de la Villa Pizzani, Gustave, qui n'y est pas allé, passant auprès d'un pavillon, entend la musique et, monté sur un grand vase de fleurs, atteint la fenêtre pour regarder. Quand il assiste du dehors à la merveilleuse danse du châle dansée par Valérie, et qu'à la fin, enivré et hors de lui, à l'aspect de Valérie qui s'approche de la fenêtre, il colle sa lèvre sur le carreau, que touche en dedans le bras de celle qu'il aime. Il lui semble respirer des torrents de feu. Mais elle n'a rien senti, rien aperçu. Quel symbole plus parfait de leur destinée, et de tant de destinées plus ou moins pareilles. Une simple glace entre deux. D'un côté, le feu brûlant. De l'autre, l'affectueuse indifférence. Ainsi encore, quand, le jour de la fête de Valérie. Le comte étant près de la gronder, Gustave envoie un jeune enfant lui souhaiter la fête, et rappelle ainsi au comte de ne pas l'affliger ce jour-là. Valérie est touchée. Elle embrasse l'enfant et le renvoie à Gustave, qui l'embrasse sur la joue au même endroit, et qui y trouve une larme. Guillemet. Oui, Valérie, s'écrie-t-il en lui-même, tu ne peux m'envoyer, me donner que des larmes. Fin des guillemets. Note. Cet enfant, innocent messager d'un baiser et d'une larme, rappelle une petite pièce du Minnesinger allemand, Hatlube, traduite par M. Marmier, Revue de Paris, 2 avril 1837. Et ce fragment d'André Chénier, sans doute d'origine grecque. « J'étais un jeune enfant, qu'elle était grande et belle », etc. Notons les nuances et les progrès de l'idée. Dans André Chénier, imitant quelques épigrammes grecques, le seul sentiment exprimé est celui de la beauté superbe et des rivaux confus. Dans Hatlube, ce qui ressort, c'est surtout la douleur de l'amant respectueux et timide, dont les lèvres vont chercher les traces adorées. L'amour chevaleresque que couronnera Pétrarque vient déjà d'éclore. Mais ils n'ont eu, ni l'un ni l'autre, l'idée de cette larme sur la joue de l'enfant qui est dans Valérie. Voici la pièce de Hatlube traduite en vers, avec cette dernière idée de plus, et dans un style légèrement rajeuni du XVIe siècle, où l'on peut supposer que quelque Clotilde de Surville, voisine de Ronsard et de Baïf, ou mieux, quelque Marie Stuart, la rima. Vite me quittant pour elle, le jeune enfant qu'elle appelle, proche son sein se plaça. Elle prit sa tête blonde, serra sa bouchette ronde, au malheur, et l'embrassa. Et lui, comme un ami tendre, l'enlaçait d'un air d'entendre ce bonheur qu'on me défend. J'admirais avec envie, et j'aurais donné ma vie pour être l'heureux enfant. Puis, elle aussitôt sortit, je pris l'enfant à partie, et me mis à lui poser, aux traces qu'elle avait faites, mes humbles lèvres sujettes. Même lieu, même baiser. Mais quand j'y cherchais le baume, et le nectar de son âme, une larme j'y trouvais. Voilà donc ce que m'envoie, ce que nous promet de joie, le meilleur jour achevé. Reprise. Cette même idée de séparation et de deuil, cet anneau nuptial qu'il sent au doigt de Valérie dès qu'il lui tient la main, reparaît sous une nouvelle forme à chaque scène touchante. Le portrait de Valérie elle-même revient, repasse sans cesse à travers cela, dans toutes les situations, dans toutes les poses, souriant, attristé, mobile, et comme amoureusement répété par mille glaces fidèles. Le second volume offre quelques défauts qui tiennent au romanesque. Je crois sentir que l'invention y commence. La fin, en effet, de ces romans intimes, puisés dans le souvenir, n'est guère jamais conforme à la réalité. Ils sont vrais à moitié, aux trois quarts, mais il faut les continuer, les achever par l'idéal, ce qui exige une attention extrême pour ne pas cesser de paraître naturel. Il faut faire mourir en toute vraisemblance son héros, tandis qu'il vit, demi-guéri quelque part, à Bade ou à Genève. Il y a dans la seconde moitié un endroit où Gustave, près de quitter Valérie, et l'entretenant avec trouble, se blesse tout d'un coup au front en s'appuyant contre une fenêtre. C'est là une blessure un peu illusoire et de convention. Le plus délicat des amants ne saurait se blesser ainsi. Un peu après, quand Gustave, passant durant la nuit près de la chambre de Valérie, chastement sommeillante, ne peut résister au désir de la regarder encore une fois, et qu'il l'entend murmurer en songe les mots de « Gustave » et de « mort ». C'est là un songe officiel de roman, c'est de la fable sentimentale toute pure, couleur de 1803. Heureusement, le vrai de la situation de Gustave se retrouve bientôt. Un des endroits le mieux touché est celui où Valérie, en gondole, légèrement effrayé, et qui vient de mettre familièrement sur son cœur la main de Gustave, au moindre effroi sérieux, se précipite sur le sein du comte. Oh, que je sentis bien alors tout mon néant et tout ce qui nous séparait! Lorsque Gustave s'en est allé seul avec sa blessure dans les montagnes, quand, durant les mois d'automne qui précèdent sa mort, il s'enivre éperdument de sa rêverie et des brises sauvages, quand il devient presque rené, comme il s'en distingue aussitôt et reste lui-même encore, par cette image gracieuse de l'amandier auquel il se compare, de l'amandier exilé au milieu d'une nature trop forte et qui pourtant a donné des fleurs que le vent disperse au précipice. Comme on retrouve là cette frêle et tendre adolescence jetée au bord de l'abîme, cette nature d'âme aimable, mystique, ossianesque, parente de Swedenborg, amante du sacrifice. Ce jeune homme qui, comme René, a dépassé son âge, qui n'en a su avoir ni l'esprit, ni le bonheur, ni les défauts, mais que le comte, d'une voix moins austère que le père Aubry pour chaque tasse, conviait seulement à ses douces affections, qui sont les grâces de la vie, et qui fondent ensemble notre sensibilité et nos vertus. Gustave, qui, à certains moments de sa solitude enthousiaste, se rapproche aussi de Werther, qui égale même cette voix éloquente et poétique en cette espèce d'hymne où il s'écrie « Je me promène dans ces montagnes parfumées par la lavande ». Gustave s'en distingue encore à temps et demeure lui-même, rejetant l'idée de se frapper, pieux, innocent et pur jusque dans son égarement, rendant grâce jusque dans son désespoir. En un mot, Gustave réussit véritablement à laisser dans l'âme du lecteur, comme dans celle de Valérie, ce qu'il ambitionne le plus, quelques larmes seulement, un de ces souvenirs qui durent toute la vie et qui honorent ceux qui sont capables de les avoir. Monsieur Marmier, qui a écrit sur Madame de Krudener un morceau senti, Revue Germanique, juillet 1833, a très bien remarqué dans Valérie nombre de pensées déjà profondes et religieuses qui font entrevoir la femme d'avenir sous le voile des premières élégances. J'en veux citer aussi quelques traits qui sont des présages. Guillemets. Son corps délicat est une fleur que le plus léger souffle fait incliner, et son âme forte et courageuse braverait la mort pour la vertu et pour l'amour. Non, poursuivis-je, la beauté n'est vraiment irrésistible qu'en nous expliquant quelque chose de moins passager qu'elle, qu'en nous faisant rêver à ce qui fait le charme de la vie, au-delà du moment fugitif où nous sommes séduits par elle. Il faut que l'âme la retrouve quand les sens l'ont assez aperçue. « Tu le sais, mon ami, écrit Gustave, j'ai besoin d'aimer les hommes, je les crois en général estimables. Et si cela n'était pas, la société depuis longtemps ne serait-elle pas détruite ? L'ordre subsiste dans l'univers, la vertu est donc la plus forte. Mais le grand monde, cette classe que l'ambition, les grandeurs et la richesse, sépare tant du reste de l'humanité. Le grand monde me paraît une arène hérissée de lances, où, à chaque pas, on craint d'être blessé. La défiance, l'égoïsme et l'amour-propre, ces ennemis nés de tout ce qui est grand et beau, veillent sans cesse à l'entrée de cette arène, et y donnent des lois qui étouffent ces mouvements généreux et aimables, par lesquels l'âme s'élève, devient meilleure, et par conséquent plus heureuse. J'ai souvent réfléchi aux causes qui font que tous ceux qui vivent dans le grand monde finissent par se détester les uns les autres, et meurent presque tous en calomniant la vie. Il existe peu de méchants. Ceux qui ne sont pas retenus par la conscience le sont par la société. L'honneur, cette fière et délicate production de la vertu, l'honneur garde les avenues du cœur et repousse les actions viles et basses, comme l'instinct naturel repousse les actions atroces. Chacun de ces hommes, séparément, n'a-t-il pas presque toujours quelque qualité, quelque vertu? Qu'est-ce qui produit donc cette foule de vices qui nous blesse sans cesse? C'est que l'indifférence pour le bien est la plus dangereuse des immoralités. Fin des guillemets. On le voit, Madame de Krautener, en substituant ici son expérience à celle de Gustave, s'exprime déjà dans cette page avec le sérieux de ses prédications futures. Elle y dénonce la plaie, qui n'est pas seulement celle du grand monde, mais du monde entier, cette vieille plaie de Pilate que Dante punissait par l'enfer des tièdes, et que, de nos jours, tant de novateurs généreux, à commencer par elle, se sont fatigués à insulter. Le style de Valéry a, comme les scènes mêmes qu'il retrace, quelques fausses couleurs de la mode sentimentale du temps. Je ne saurais aimer que le comte envoie, pour le tombeau de son fils, une belle table de marbre de Carrare, rose, dit-il, comme la jeunesse, et veinée de noir, comme la vie. Mais ses défauts de goût y sont rares, aussi bien que quelques locutions vicieuses, en imposer pour imposer, qu'un trait de plume corrigerait. Le style de ce charmant livre est au total excellent, eu égard au genre peu sévère. Il a le nombre, le rythme, la vivacité du tour, un perpétuel et parfait sentiment de la phrase française. Le succès de Valéry fut prodigieux, en France et en Allemagne, dans la haute société. On trouve, dans l'interminable fatras intitulé « Mélanges militaires, littéraires et sentimentaires » du prince de Ligne, une suite de Valéry, qui n'est qu'une plaisanterie de cet homme d'esprit, par trop écrivain de qualité. La charmante princesse Serge Galitzin, dit-il, n'ayant pu souper chez lui, tant la lecture de Valéry l'avait mise en larmes, il voulut lever cet obstacle pour le lendemain en lui envoyant une fin rassurante où Gustave ressuscite. C'est une parodie dont le sel fort léger s'est très longtemps évaporé. On sut d'ailleurs un gré médiocre à Madame de Krautener dans le monde allemand poétique d'avoir déserté sa langue pour la nôtre. Et Goethe a lui-même exprimé quelque part le regret qu'une femme de ce talent eût passé à la France.